Bonjour à tous et bienvenue sur la 14e émission Last Underground, les nouveaux enregistrements européens. Alors, aujourd'hui, c'est assez exceptionnel puisque l'émission habituellement diffusée sur BeatShot est aujourd'hui exceptionnellement diffusée en live sur la chaîne YouTube Live Last Underground. Alors, automatiquement, ça sera re-uploadé sur la chaîne, bien sûr, BeatShot, la chaîne officielle de Last Underground, les nouveaux enregistrements européens. Voilà. Alors, il y aura pas mal de choses à dire sur Last Underground et les médias, parce que forcément il y a une évolution cette année en 2021. L'émission se nomme Blitzkrieg 2021. Pourquoi ? Parce que cette année ça va être un peu une guerre éclair concernant la culture, donc ça va être extrêmement frontal, puisque le projet est de faire évoluer Last Underground, les nouveaux enregistrements européens. Bien sûr, j'en reparlerai au fil de l'émission, et je reparlerai des différents médias, forcément, sur Internet, qui se rattachent à Last Underground. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec Wappenbund. Alors, il s'agit d'un titre tiré de l'album Auferstehung, datant de 2020, donc récent, forcément, des nouvelles productions pour cette nouvelle année. Voilà. Et le titre, c'est Himmlische Heer. Voilà, voilà, avec donc le dernier titre de Weapon Boom, donc c'était Imlich Air, tiré donc du dernier album de Weapon Boom. Ça fait toujours plaisir d'avoir la dernière production d'ailleurs de Weapon Boom. Donc voilà, pour ce titre, voilà, on va passer tout de suite à Sangre der Muerdego. Alors, j'en avais passé sur une émission en live assez récemment. Alors, il faut savoir que Sangre der Muerdego est originaire d'Espagne, originaire de la région de Galice. Voilà, et donc le titre est tiré du dernier album Noit, donc voilà, datant de 2020. Sangre de Murgo se dresse en fait, l'image que donne le groupe se dresse sur les côtes sauvages, au sommet des falaises, au fond des bois, des chansons folkloriques galiciennes pour se soigner, se promener, danser et aimer. Voilà, c'est très très traditionnel, voilà, dans le concept qui est proposé. On passe tout de suite donc avec leur titre Lume di Soldicio. Voilà. Thank you. Voilà, donc pour ce dernier titre, c'était donc le Dédale des Maudits avec le chant des Tuniques Escarlates. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire du Dédale des Maudits? Alors en fait, Dédale des Maudits, c'est des arrangements néoclassiques, substyle qui rencontre la puissance des percussions martiales et la luxuriance, la volupté et raffinement des premiers empires français. Voilà. L'orchestration néo-martiale est assez unique et rend hommage en fait la plupart du temps à la mère Europe. Voilà ce qu'on peut dire en fait du Dédale des Maudits. Alors faut savoir que cet album date de 2010, mais c'est une réédition assez récente. C'était un album qui s'appelait Brille au-delà du temps. Voilà, donc il a été réédité récemment. C'est pour ça d'ailleurs que je repasse le dernier titre, donc qui s'appelait donc le chant des Tuniques Escarlates. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Last Underground? Alors, on continue dans le développement de l'émission Last Underground, les nouveaux enregistrements européens, pour la bonne et simple raison que aujourd'hui, officiellement, il y a un groupe Gab que vous pouvez dans les descriptions de chaque média trouver le lien. Un groupe Gab, une communauté qui vous permet en fait de vous exprimer, d'envoyer des liens, des groupes, pourquoi pas des playlists, etc., etc. Et donc, le développement de Last Underground va en fait se projeter sur la création d'un site, un site interactif et des émissions conjointes avec des passionnés de musique industrielle, néoclassique, martial, etc., dark folk, néofolk. Donc en fait tout ce qui est lié en fait à Last Underground du point de vue musical. Et donc vous allez pouvoir en fait quelque part participer à l'émission et proposer aussi des titres. Donc ce sera quelque part participatif. Voilà pour l'instant ce que je vais dire de Last Underground. Bien sûr, j'en dirai autre chose au fil de l'émission. Voilà. Alors, on va continuer avec le dernier album de Leid Dung avec Svarta Skar et on en parle juste après. Thank you. Voilà, pour Leidung avec le titre Svartaskar. Alors, Leidung, c'est plutôt intéressant. En fait, ça s'inscrit, c'est un projet qui vient de Suède et l'album date de 2019. Voilà, il est assez récent. Alors, c'est un projet, voilà, qui s'oriente vers le Nordic Ritual Folk. Voilà, c'est un concept lyrique, une présentation philosophique des mythes antiques et de la spiritualité de l'Europe du Nord. Voilà en ce qui concerne ce groupe. Voilà, donc je vous conseille son écoute, bien sûr. Et donc c'était un album plutôt récent, puisque comme je disais, 2019, et il s'appelle Offer Flamma. Voilà, en ce qui concerne Leidung. Voilà, on va passer à deux titres à la suite, on en parle juste après, ensuite on reparlera de la Soundground, les nouveaux enregistrements européens et de l'évolution de l'émission. Alors on va passer tout de suite à Drogablik, et ensuite à Yanva, et on en parle juste après. 1918 ore 12. La gigantesca battaglia, ingaggiata il 24 dello scorso ottobre, ha determinato ieri lo sfacelo totale della fronte avversaria. I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza. La guerra contro l'Austria-Ungheria è vinta, è vinta, è vinta. Impossibile ora, si credesse davvero la terra, luogo migliorabile ancora, guerra sola, igiene del mondo, dicevi, e su tutto la convinzione che la militanza non fosse che arte e che l'arte non fosse che azione, amico mio, quanta castroneria era noi. Che lungo addio, che la guerra fu per noi l'utopia. Appena tempo di vedere la realtà, brucia una generazione. Appena liquidata un'autorità, ecco un nuovo padrone. Con questo suicidio di una civiltà, ma ne vivo sotto di me, non ho in un... Voilà, c'était donc le dernier groupe que l'on a écouté. C'était Yanva. Alors, on passe tout de suite à l'explication du groupe d'avant qui était passé après Lane Dungre. C'était donc Drogablik. Alors, qu'est-ce que c'est Drogablik? Ça nous vient de Suède. Et alors, c'est un projet de musique folklorique russo-nordique inspiré du plus ancien mythe nordique et de l'histoire de Gutunu. Voilà, de la guerre de Sith et de la sagesse védique. Voilà, alors tout un programme. Alors, il faut savoir que le titre était tiré du dernier album Blood of the Aimeli et c'était une version Iceland Metal Coat. Voilà, pour et ça date de 2020 bien sûr, et donc c'est tout à fait récent. Alors, ce qui vient de passer, et comme vous l'avez sûrement deviné, était italien. Ça s'appelle Yanva. Le titre est tiré du dernier album Disobedisco, datant de 2020. Voilà. Alors, pour Yanva, c'est un groupe qui est né en 2003 à Gênes, en Italie. Et c'est le résultat de l'unification de 9 anciens musiciens, 9 musiciens d'horizons complètement différentes d'ailleurs. Puisque parmi eux, il y en a qui ont fait des études classiques, conservatoires, qui viennent du milieu gothique, de la programmation électronique, du black metal et du dark cabaret. Alors, ah non, c'est vraiment un gros mélange. Et donc, l'idée était de ressusciter la musique des temps anciens, de l'humeur du film noir et de l'ambiance des cafés européens des années 20, 1930 et 1940, comme une sorte de cabaret sombre, enchantant le public, non seulement par leur musique, mais aussi par des histoires vitales du passé de l'Italie. Voilà. Alors, c'est plutôt dans une pop orchestrale, dark cabaret, légèrement mélodramatique. Donc ça contient en fait des compositions assez épiques, assez visuelles, etc., etc. Alors c'est un son assez authentique, hein. Bon là c'était un son un petit peu plus un peu néo-folk que l'on a écouté, mais sinon il y a des chansons tout à fait un peu plus authentiques, traditionnelles, italiennes. Et donc ça parle en même temps du souvenir, du passé de l'Italie. Ancienne, voilà, et assez rétro, et d'ailleurs c'est un groupe qui a été assez bien accueilli en Italie. Voilà pour Yanva. Alors personnellement, moi j'aime bien, hein, c'est assez original, enfin si on écoute en fait tout l'album, c'est assez original. Voilà, alors on continue avec l'explication de la Last Underground, les nouveaux enregistrements européens. Alors, il faut savoir que l'émission, comme je le disais, va évoluer. Par exemple, aujourd'hui, il y aura des lives. Si vous passez par la chaîne, je vous recommande de passer par la chaîne YouTube Last Underground, où vous retrouverez des lives avec une programmation qui sera faite en amont sur le groupe Gab. Qui se trouve sur le réseau social Gab, au sein du groupe Last Underground, les nouveaux enregistrements européens. Et donc, à partir de là, les émissions Last Underground officielles seront toujours retranscrites, enfin uploadées, sur la chaîne officielle de Beatshot Last Underground. Voilà, donc celle-ci que vous avez actuellement en live sera donc retransmise directement juste après l'enregistrement live sur Beatshot. Voilà, deuxièmement, il y a un compte Monero de crypto-monnaie de dons anonymes a été ouvert pour la bonne et simple raison que le but de faire évoluer l'émission demande obligatoirement un peu de moyens. Alors des moyens techniques à travers de software, donc logiciel de mixage et micro, matériel et bien sûr l'hébergement sur un site de qualité interactif pour pouvoir en fait faire un véritable site lié à l'émission musicale. Voilà, donc voilà tout ce projet, hein, voilà, ça commence, donc on commence comme ça et on verra bien où que ça nous mène. En tout cas, on continue la Stand Alone, les nouveaux enregistrements européens. Eh bien, on va tout de suite passer par un autre groupe, on revient juste après pour l'explication. un petit peu de cette formation. Il s'agit donc de Kazeria avec Discipline of the Shadow, tiré de l'album Discipline of the Shadow. Et le titre, c'est Song of the Black Sun, donc le son du soleil noir, tout un programme. We'll be right back. Voilà, donc pour le dernier groupe, c'était donc Kazeria. Alors Kazeria, d'où ça vient? Alors c'est assez étonnant parce que on pourrait penser que c'est un groupe européen. Et bien pas du tout, Kazeria est un groupe argentin. Et oui, une fois n'est pas coutume, ils viennent de Buenos Aires. Et le titre était tiré d'une réédition qui vient de sortir, mais l'album original datait de 2008. C'est une réédition qui est très récente, donc qui date de 2020. Donc cet album qui s'appelle le Discipline of the Shadow. Et donc le titre, comme je le disais, c'était Song of the Black Sun. Voilà pour l'information. Alors, pour aller un petit peu plus loin avec ce groupe, ils sont plutôt dans une vision épique des hymnes en marche, des mystères anciens, des symboles occultes et l'éthos d'un monde colossal et oublié. Voilà pour ce qui est de Kazeria. Voilà, donc on passe tout de suite avec Aflar. Alors pareil, idem, Aflar vient d'Argentine, de Buenos Aires. Là on passe sur l'Amérique du Sud. Alors Aflar, ils sont profondément enracinés en fait dans le domaine de la néo-folk, de la dark folk, de la dark wave. En particulier, en fait, ils expriment la majesté selon la majesté des bois, le pouvoir des symboles et la signification des archétypes qui appartiennent à des temps anciens et plus nobles. Voilà, c'est assez joliment dit et joliment pensé. Voilà en ce qui concerne Aflar, que l'on va écouter tout de suite. C'est tiré de l'album In Boltscan, datant quand même de 2016, et qui a été réédité. Et donc, le titre, c'est Wallis of Lua.

tills sin döjande dag. Klok och tagan skall kongsen bära huret i striden stå. Glad vär och fjåg var Gud skall svive till sin döjande dag. Ein stackar tänker han stött må leva når han strid vun sky. Men alderdomen ger ingen man fred om spjut honom sparde. Glok och tagan skall kongsen bära huret i striden stå. Glad vär och fjåg var Gud skall svive till sin döjande dag. Glok och tagan skall kongsen bära huret i striden stå. Glad vär och fjåg var Gud skall svive till sin döjande dag. Voilà, donc pour le dernier titre qui vient de passer, donc c'était après Aflar, c'était donc Nordheim avec le titre Klok og Tagal. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Nordheim? Alors, tout simplement, qui nous viennent de Norvège. Voilà, le titre était bien sûr tiré du dernier album, encore une nouveauté, bien sûr, de la fin de cette année, de l'année 2020, de l'album Nordariket. Voilà, alors, Nordheim, c'est un projet solo de Jörn Nord. Tous les instruments sont joués en fait par différents artistes que lui il a invité comme Vardi, Birdi, Nordjevel. Et donc Nordheim s'inspire dans son concept de ce qu'il appelle la musique des montagnes. Voilà ce qu'on peut dire de Nordheim. Alors c'est très très joli, très beau, c'est très orchestral. Et puis on pourrait même l'intégrer d'ailleurs à un film ou une série parce que c'est vraiment c'est très mélodieux. Voilà, donc pour Nordheim. Alors on va passer tout de suite au dieu des cimetières et on en parle juste après. We'll be right back. Voilà, avec donc ce dernier titre, c'était donc Les Dieux des Cimetières avec Into the Night of the Enemy. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, de Dieu des Cimetières, c'est finlandais. Voilà, alors il faut savoir que le nom en fait est pas finlandais, c'est-à-dire que en français, en fait, le dieu, enfin, le groupe s'appelle Dieu des Cimetières. Et il est d'origine de Finlande, mais il ne se décrit pas sur les albums comme finlandais. Donc c'est en fait le nom du groupe, c'est un nom français, voilà, traduit en français. Voilà pour la petite anecdote. Alors le titre est tiré de l'album European Fire datant de 2020. Alors, c'est plutôt de l'industriel martial néoclassique avec des éléments de néo-folk et du synthé donjon, du dungeon synth, avec des armes de mélancolie pour un passé romancé, un présent méprisé et un avenir perdu. Donc, voilà. C'est une lecture plutôt nihiliste de l'Europe telle qu'elle était et sera. Voilà, donc c'est extrêmement radical dans son approche, à la fois radical et pessimiste. Puisque c'est plutôt un passé qui est perdu, voilà, dans la vision en fait du dieu des cimetières. En tout cas, l'album European Fire est excellent. J'avais déjà passé plusieurs titres récemment sur du moins la chaîne YouTube Live. Voilà. Alors, pour la petite information, donc je parlais tout à l'heure des dons avec Monero. Donc, dans chaque média, c'est-à-dire le groupe, la communauté, la chaîne officielle sur BitShot et aussi sur YouTube Live, la chaîne exclusivement réservée au live, vous avez un lien Monero, donc c'est de la crypto-monnaie. Voilà, et c'est à l'avantage d'être totalement anonyme, c'est-à-dire que lorsque vous faites un don, il y a une adresse avec une série de chiffres, et en fait, lorsque vous activez via l'application Monero un don, c'est totalement anonyme, voilà. Donc, il est préférable aujourd'hui de passer par ce système. Au cas où vous voudriez faire un don pour Last of the World, les nouveaux enregistrements européens, bien sûr, vous pouvez passer directement par ce lien en faisant donc un don. Voilà, je vous remercie d'avance d'ailleurs, puisque cela s'inscrit dans un projet d'évolution de Last of the World, les nouveaux enregistrements européens. Voilà, donc, eh bien, après Dieu des Cimetières, on va passer à deux titres. Alors, un groupe russe, on va en parler juste après. Il s'agit de Lyudi Naxolm. Alors, pour la traduction, on va dire Google, hein, parce que c'était complètement en fait en texte russe, c'était pas évident. Et c'est tiré d'un album datant de 2020, encore une fois, une nouveauté, et qui s'intitule Nakril Yaknochi, voilà, qui veut dire en fait sur les ailes de la nuit. Voilà, donc pour ce groupe russe, et ensuite on passera directement à un titre et on en parlera juste après, un autre groupe. Alors on passe par ces deux productions. Et ensuite, on revient en parler juste après. Холод и снег застыли во льдах, забыты навек в час полной луны. Нас ворон зовет, зовет в дальний путь. Тихий полет. На крыльях ночи, в объятиях тьмы, на крыльях ночи, сердце зимы. На крыльях ночи, в объятиях тьмы, на крыльях ночи, сердце зимы. Ни слова, ни крика, за темной стеной. Только ледяной ветер над пустою землей поет свою песню вьюга среди безликих теней. Мы однажды найдем друг друга в череде беспросветных дней. Yeah. Voilà pour donc le dernier groupe qui venait de passer, c'était Nuknor, juste avant le groupe russe, juste après le groupe russe, c'était donc Nuknor Sigur Bowl avec Andy. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce groupe? Alors voilà, Nuknor s'inscrit dans un projet de musique chamanique, nordique et celtique. Et les compositions sont des recherches sur des sons païens avec une ambiance sombre et mystique en essayant de se rapprocher d'un son primitif naturel. Voilà, c'est en fait tout simplement un voyage dans les temps anciens. Alors, le titre était tiré de l'album Eight Ktinir. Excusez-moi pour la prononciation, c'était pas évident. Alors, cela va vous étonner parce que automatiquement vous allez penser que c'est un groupe nordique, comme beaucoup de groupes on passe dans ce style de thème et dans cette recherche. Et bah, pas du tout, c'est un groupe uruguayen. Et oui, c'est un groupe d'Uruguay. D'Amérique du Sud, comme quoi on peut être complètement un petit peu complètement étonné hein, que dans une telle région voilà de l'hémisphère sud qu'on retrouve des types de telles productions qui s'inspirent en fait du nord de l'Europe et des ambiances chamaniques, voilà. Donc c'est intéressant. D'ailleurs, le titre est vraiment sympathique. C'est vraiment une belle construction avec pas mal d'instruments, de voix, etc. Donc on reviendra peut-être un jour sur ce groupe. En tout cas, on va continuer donc après Nuknor, on va continuer, bah on va revenir sur Nordheim, on en a passé tout à l'heure, avec un titre Alvedan. Voilà, voilà, pour donc dernier titre qui venait de passer, c'était Kazeria. Donc on revenait sur Kazeria, toujours tiré de l'album Discipline of the Shadows, et c'était Wolf March. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, vous connaissez un petit peu l'histoire, du moins des champs militaires, il y avait dedans un peu des extraits du refrain de la Panzerlied, voilà, donc en fait un chant de l'armée allemande, en particulier dans le domaine des chars, des tanks, voilà. Et avant, bien sûr, c'était Norddeign, donc comme je vous dis, avec Alvedance. Donc c'est deux groupes auxquels on revient sur les derniers albums. Voilà pour l'information. Alors on va tout de suite continuer eh bien avec Fragment and Atra Nenia. On en parle juste après. C'est un titre Even Fail. Et ce titre Even Fail nous vient directement de Slovaquie. On en parle juste après. C'est un album qui date de 2018. Qui se prénomme Fatres. Voilà pour l'information sur la production. On passe donc tout de suite à Fragment and Atra Nenia. Thank you. Voilà, avec le titre du groupe Fragment Atranania. Alors en fait c'est plutôt un duo conjoint en fait de formation, avec le titre Eventfall. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de Fragment? C'est que, comme je disais tout à l'heure, ça vient de Slovaquie et ça vient de la ville de Bratislava. Voilà, alors ça explore le monde de l'électronique apocalyptique, et faut savoir que le groupe, l'album date de 2018, Fatres, date de 2018, mais le groupe poursuit en fait son aventure depuis 2002, c'est quand même assez énorme. Voilà, et en fait ils sont, bah, comme vous avez entendu tout de suite, c'est ancré dans une ambiance assez sombre, assez apocalyptique. Alors pas obligatoirement tout le temps au travers de leur production, mais c'est extrêmement c'est des éléments orchestraux très puissants, voilà. Et donc Fragment, c'est une force depuis 2002 à laquelle il faut compter dans la scène sombre ambiante mondiale. Et c'est intéressant parce que ça retranscrit un peu certaines situations, certaines positions géographiques comme l'Islande, la Finlande. Lors de certaines époques, c'est extrêmement mystique, hein, de toute façon. Donc voilà, c'est extrêmement, vraiment très intéressant, du moins dans leur production, du moins depuis 2002. Voilà. Alors on va continuer tout de suite avec deux titres à la suite. Ensuite, on passera le dernier titre pour la dernière de Last Underground pour l'instant, pour la 14e. Alors, il s'agira de Solventis et de West Wind, et on en parle juste après. Et on terminera par un dernier titre pour clôturer l'émission. Voilà, on passe tout de suite au groupe français Solventis et on en parle tout de suite. Hein. Après, West Wind, les deux titres à la suite. Sound when the light falls on you. not for you in the dark. It's not for you can't hear, that you can't get up and walk, that you can't climb the hills of life. Watching you from the icy sky, I'll show you how to draw a map. The shapes in the stars, with the shapes in the stars. Voilà, voilà pour les deux derniers titres qui viennent de passer. Donc c'était Solventis, groupe français, et White Wind. Alors Solventy c'était le titre Half Moon et White Wind c'était Alice It's Grown. Alors on passe tout de suite à Solventy. Alors c'est un groupe français qui nous vient de Toulouse. Alors c'est plutôt bien fait d'ailleurs, et tiré d'album du dernier album datant de 2020. Fin 2020, Off Dusk On Down. Voilà, alors Solventy, c'est un projet au départ qui était solo, pas une seule personne, et qui a évolué pour devenir un groupe en 2019, donc assez récemment, ajoutant en fait du violon, de la basse et du bodhrán, qui est un instrument traditionnel, tout ça rajouté à la formation. Alors, Solventy propose plutôt une musique solaire aux ondes mélancoliques. Les chansons ouvrent la voie de la lumière suivant la lueur d'espoir. Voilà pour l'explication un petit peu de ce que peut produire Solventy. Et avant cela, avant 2019, il y avait un album solo qui s'appelait Winter Song, qui était en fait un EP solo. Voilà pour l'information. Alors juste après, donc c'était Wet Wind. Et Wet Wind, alors ça nous vient d'Allemagne. Voilà, c'est un projet musical de la scène post-industrielle. Post-industrielle française, excusez-moi, ça ne vient pas d'Allemagne, c'était le groupe juste après qui vient d'Allemagne. Et donc Westwind est un projet français créé par Chris G. Il mélange les influences de musique telles que la musique martiale, industrielle, post-industrielle, dark ambient, néo-folk et néo-classique. Voilà tout ça, vraiment le gros package. Et le titre donc qu'on venait de s'écouter vient de l'album qui a été réédité, un album qui s'appelle Ravage CD2. Voilà, Requiem for Collapsing Cities. Voilà pour l'information Wet Wind, qui est d'ailleurs un groupe plutôt excellent dans son domaine, qui excelle plutôt bien dans son domaine. Voilà, j'espère en tout cas ces deux titres vous ont plu. Alors, bien sûr, on va terminer avec un dernier titre. Il s'agit de Sagittarius. Alors, Sagittarius, c'est un groupe donc allemand, comme je le précisais tout à l'heure, pour un autre groupe, mais tout compte fait, Sagittarius est allemand. Donc, le titre vient du dernier album Song of the Dream and Death, datant de 2020. Et il s'agit de Black Hound, voilà pour le titre. Alors, Sagittarius, c'était fondé par Cornelius Wallner en 98, et oui, ça date pas d'aujourd'hui. Il y a trois albums qui étaient sortis sur Cold Spring et Renovation Verlag en Allemagne, et plusieurs éditions limitées, etc. Alors, faut savoir que quand même Sagittarius ont quand même participé à énormément de choses, et donc c'est des protagonistes de la scène néoclassique mélangeant l'allemand traditionnel et la poésie et la littérature européenne, et des compositions conçues dans la tradition de la chanson d'art classique. Voilà pour Sagittarius, que je vous conseille fortement, qui s'inscrit bien dans l'esprit de Last Underground, les nouveaux enregistrements européens. Voilà donc pour ce dernier titre qui va passer. J'espère en tout cas cette 14e Blitzkrieg 2021 vous a plu. Alors, pour rappel, cette émission est actuellement diffusée en live sur la chaîne YouTube Live Last Underground et sera tout de suite aussitôt uploadée sur la chaîne officielle sur BeatShot Last Underground, les nouveaux enregistrements européens. Voilà. Pour nous contacter, pour contacter Last Underground, les nouveaux enregistrements européens, bien sûr, il y a sur Gab, le groupe, la communauté officielle Last Underground European New Recording, que vous pouvez directement, c'est un groupe public sur le réseau social Gab. Vous pouvez aller sur le blog www.lastunder.blogspot.com. Bien sûr, il y a les moyens de communiquer, et bien sûr le blog est mis à jour concernant les dernières émissions. Voilà en ce qui concerne l'ensemble des médias. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne live et à passer sur soit la chaîne Beatshot, la chaîne officielle de Last Underground qui existe maintenant depuis 3 ans, ou aller sur le groupe sur la communauté directement sur Gab pour avoir en fait les dernières informations bien sûr des émissions et puis être au courant bien sûr des lives puisqu'il y a ce qu'on appelle les nocturnal sessions. Nocturnal, c'est-à-dire que le soir, de temps en temps, il y a des émissions qui passent et je passe donc du direct, voilà. Donc ce ne sont pas des émissions liées à Beatshot, mais ce sont des petits lives comme ça qui passent de temps en temps avec des playlists que je conçois comme ça de temps à autre sur différents genres, styles, où je mélange les genres et les styles de tout ce qui se passe bien sûr dans le domaine de prédilection de Last Underground. Voilà, je vous dis à bientôt chers camarades, et puis la 15e prochainement qui sera consacrée au groupe In the Nursery, des jumeaux Klimberstone, Humberstone bien sûr, et ça sera une rétrospective sur l'ensemble de leur production. Voilà, puisque il était temps de faire une rétrospective sur ce groupe anglais qui quand même est formé depuis 1981. Voilà, et qui existe toujours aujourd'hui, qui produit toujours aujourd'hui. Voilà, donc à bientôt, et je vous laisse donc avec Sagittarius et The Black Hound.